On va parler avec avec Yves Bolduc de la LHJMQ. Les séries se poursuivent. Il y a déjà des équipes en vacances. C'est pas vraiment surprenant, mais la série qu'on surveille le plus, c'est celle des Saguenayens, et avec raison, parce que les Saguenayens, écoute, sont en train de causer toute une surprise, au moins de chauffer le Titan d'Acadie Batters, alors que tout le monde leur disait qu'il n'y avait aucune chance. Salut Yves Bolduc. Salut, Danny. Yves, c'est toute qu'une. Écoute, les Saguenayens, Yannick Jean, depuis qu'il est à la barre de l'équipe, c'est une équipe qui montre beaucoup, beaucoup d'adversité. Et encore une fois, en série l'année passée, je m'en rappelle, c'était incroyable. Là. Il n'était pas tuable, on va se dire les vraies choses. Là. Mais là, au final, le Titan d'Acadie Batters, personne prédisait au mieux une victoire. Puis les Saguenayens, d'abord, ça a commencé avec la performance de Zachary Boutillier qui était excellent. Et dans le quatrième match, victoire des Sags. Et là, ça se poursuit. Puis là, le doute va commencer à s'installer du côté du Titan d'Acadie Batters. On va jouer de la tête, là. Ah, mais je te dirais même que c'est déjà débuté, Danny, puis c'est les Saguenayens actuellement, ben c'est l'équipe qui fait parler le plus d'elle dans la Ligue junior majeure du Québec. Mm. Pas nécessairement parce que on n'avait pas prévu un balayage du Titan d'Acadie Batters, on avait donné une victoire aux Saguenayens. Ouais. Et là, c'est la façon que les Saguenayens l'emportent, c'est des victoires définitives. En tout cas, la dernière 6-3, là, c'était définitif. Victoire de 4-0 à Batters. Ça a été encore une fois une victoire décisive. Et puis, faut se rappeler là que c'est un affrontement entre la 15e place et la 2e place du classement général. Donc, ouais. En principe, là, il n'est pas supposé avoir de série-là. Mais comme tu l'as mentionné, là, Yannick Jean, là, il est devenu l'entraîneur qui réussit à faire passer ses équipes par des portes étroites. Et ça, ben, quand tu réussis ça, ben c'est facile. Hein, le but, il est dur, il est difficile. Puis quand tu réussis à l'atteindre, ben la confiance grossit. Puis comme tu disais, le doute s'installe chez l'adversaire. Puis c'est déjà fait actuellement. Puis je pense que les Saguenayens, là, ils ont le contrôle de la série, même si l'avantage de la glace appartient au Titan d'Acadie Batters. Tout le poids est maintenant sur l'Acadie Batters, parce que si le Titan perd ce soir, ça va être difficile de revenir au Centre Vézina là, avec plus de 3000 personnes dimanche. La foule va être survoltée. Écoute, on a vu hier sur les médias sociaux la vente des billets, comment ça a explosé au Centre Georges Vézina. Il y a eu 2600 personnes. C'est vrai que les matchs étaient à 7h30, mais dimanche de Pâques, moi je m'attends à une foule de 3000-3500 si jamais Saguenay gagne vendredi, là, ce soir, ça va être pacté dimanche. Ah ouais, définitivement. Quand on regarde les deux équipes, quand on s'en parlait la semaine dernière, il n'y a pas de comparaison à faire. Là. Définitivement, le Titan d'Acadie Batters, puis c'est pas pour rabaisser les Saguenayens. Là. Les Saguenayens ont clairement dit qu'eux, ils allaient pour l'an prochain, puis ils ont mis un paquet de joueurs de choix de repêchage en banque. Puis quand tu regardais l'alignement, ben c'était presque un no contest, mais là... Le meilleur marqueur du Titan d'Acadie Batters, c'est le défenseur Olivier Galipeau qui a 3 points, alors que les deux frères Climat là, dominent totalement cette série-là offensivement. Là, Kevin avec 7 points, puis Kelly avec 6. Ouais. Hey, parle-moi de German Rutsoff. J'en ai parlé avec Jonathan Hedon du Quotidien hier. Pas hier, mais mardi plutôt. Il fait absolument rien. On a été surpris... On a été très surpris de voir que Yannick Jean s'en était débarrassé très vite. On savait qu'elle était changée, mais on s'attendait tous aux fêtes. Puis il est parti en novembre, puis là on commence à comprendre pourquoi. Ce gars-là a pas de l'air, ouais, ça a pas de l'air être le gars qui a la meilleure attitude en ville. Puis ça c'est pas des questions si les Flyers commencent à le regretter. Ben, je sais pas s'il commence à le regretter, mais il me fait penser un peu à Jonathan Drouin, le genre de saison qu'il a eu avec les Canadiens cette année. Mm. On se rappellera, comme tu le mentionnes, lorsque les Saguenayens ont échangé German Rupsov, évidemment, Yannick Jean, c'est pas la politique des entraîneurs qui échangent des joueurs habituellement, là. Il mentionnait que c'était un excellent joueur, puis que les Saguenayens devaient s'en départir pour le futur, pis tout ça, mais ça cachait des choses qu'on n'avait jamais vues de toute façon à Chicoutimi, à part quelques matchs. Et il semble qu'il se passe la même chose à Batters, là. Un joueur de ce calibre-là, qui est un joueur de calibre international, là, parce qu'il a fait partie de l'équipe nationale junior au cours de ses 2 dernières saisons, qui a un seul point dans cette série-là, c'est inacceptable. puis c'est un premier choix de Ligue nationale. Donc, moi, définitivement, c'est une grosse déception. Et c'est un joueur qui n'est jamais sorti de sa coquille là, en Amérique du Nord. Non, c'est vraiment incroyable. Hey, ça va être l'enfer. Si jamais les titans perdent cette série-là, écoute, on s'est vidé pas mal là, pour cette année. On est allé à all-in, hein? Oh oui, définitivement, ça va être... S'il faut que le titan là, s'incline dès la première ronde, ça va être une catastrophe. Puis il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait des têtes qui roulent du côté du titan de l'Acadie Batters. J'entendais la possibilité d'un déménagement. Moi, je l'avais avancé à un moment donné qu'il y avait une possibilité, mais il semble que la porte s'est fermée, qu'ils ont signé une nouvelle entente avec la ville de Batters. Puis de toute façon, l'endroit qui était visé, qui était Saint John's à Terre-Neuve, a été comblé par une nouvelle formation de la East Coast Hockey League qui va s'installer là dès l'an prochain. Donc, mais ça va effectivement, ça va être l'enfer. Puis malheureusement pour les partisans du Titan de la Cadie Batters, ça serait triste parce qu'après avoir connu des années de misère à la porte, puis que là, les gens recommencent à revenir à l'aréna, que cette catastrophe-là se passe, ça serait très, très triste pour cette franchise-là. Mais que voulez-vous, là, ils se présentent pas dans le moment, puis c'est les Saguenayens là, qui ont le momentum. Allez, maintenant. Donc, et la série que moi je surveille le plus, Gilles, c'est en plus des Saguenayens, c'est elle entre Rouyn-Noranda et Sherbrooke. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est Gilles Bouchard qui est natif de Normandin. J'y ai parlé à Gilles cette semaine. Il s'attendait à une série serrée, puis il veut forcer d'admettre que c'est serré aussi. Oui, c'est serré, puis on l'avait prédit. Là, moi, je t'avais dit Rouyn-Noranda en 7, puis je maintiens ma prédiction. C'est une série où chaque formation a remporté une victoire sur la glace adverse. Sherbrooke l'emportant 2-1 et 4-2 à Sherbrooke. Rouyn-Noranda fait la même chose, mais un petit peu plus définitif dans leur cas. Là, 6-2 à la maison et un blanchissage de 3-0 par le Desports de Sherbrooke. Alors, ça, c'est une série là qui va aller en 7, d'après moi, puis la différence, ça va être le gardien de but genois, Samuel Harvey, qui... Dominant. Ah oui, il est dominant, puis on va s'en reparler plus tard là, dans la dernière section de l'entrevue. Là, je vais te parler du gala des rondelles d'or et c'est le gardien là qui peut changer à lui seul une série puis l'emporter à lui seul. Je pense qu'avec Étienne Monpetit là, des Tigres de Victoriaville, ce sont les deux gardiens là, qui vont être à surveiller tout au cours des séries éliminatoires. Mais dans le cas de Samuel Harvey, là, il a donné seulement 7 buts au cours des 4 matchs dans la série maintenant. Moyenne de 956 de pourcentage d'arrêt. Et son vis-à-vis, lui, Riley Picard, ben lui, on se demande toujours comment il va se présenter devant le filet, malgré qu'il y a des bonnes sorties, mais ça semble toujours un petit peu difficile dans son cas. Certaines fois, c'est plus facile, mais depuis la transaction là, qui a fait passer Evan Fitzpatrick du Phoenix au Titan Acadie Batters pour Peckard, ben ça a définitivement donné des ailes au Phoenix de Sherbrooke. Mais il est dans une catégorie à part de Samuel Harvey quand même. Malgré ses statistiques, là, une moyenne de 919 pourcentage d'arrêt au cours des séries éliminatoires. OK. La série maintenant que toi tu suis le plus, parce qu'évidemment tu es impliqué émotivement avec ton neveu Maxime Comtois, Victoriaville à Gatineau, c'est 3-1 pour Victoriaville. Oui, puis c'est pas une surprise que les Olympiques aient gagné un match. Ce qui est surprenant dans cette série-là, c'est la façon dont les Tigres de Victoriaville réussissent à dominer le match puis à le contrôler. Les deux matchs à Gatineau, c'est sûr qu'ils ont été un petit peu plus robustes. Faut dire les vraies choses, là, les Olympiques de Gatineau en gabarit là, sont plus imposants que les Tigres de Victoriaville. Puis lorsque Victoriaville s'est présenté à Gatineau, entre autres pour le premier match, il était privé de Chase Harwell, qui est leur joueur qui était le plus robuste, là, un joueur de 20 ans. Alors, ça a brassé un petit peu plus, mais il faut brasser intelligemment, c'est ce qui se fait pas toujours du côté des Olympiques de Gatineau. Puis si tu prends des pénalités contre l'éthique de Victoriaville, ben ça peut te faire mal. Là. Ils ont un avantage numérique qui est assez dévastateur. Quoique dans cette série-là, pour l'instant, là, ils répondent pas aux attentes. Ils répondent pas aux attentes. C'est un pourcentage qui est acceptable, là, mais comparativement à ce qu'ils peuvent faire habituellement, là, ils ont un pourcentage de 25% d'efficacité. Mais c'est certain que ce que les gens ont le plus remarqué, c'est la baisse de production du premier trio là, de Vitali Abramov, Maxime Contois et Kozorenkov, mais cette production-là a été surtout marquée du côté de Contois et Kozorenkov parce que Abramov est toujours le premier marqueur des séries éliminatoires. Dans le cas de Maxime Contois et de Kozorenkov, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est au niveau défensif parce que les Tigres ont été un petit peu plus indisciplinés là dans le troisième match, puis on a beaucoup utilisé Maxime Contois défensivement également parce qu'on sait qu'il excelle également à 4 contre 5. Donc, on lui a donné beaucoup de temps de jeu à 4 en désavantage numérique. Même chose pour Kozorenkov. Alors, le match a été serré. Je pense que les deux équipes méritaient de l'emporter dans le quatrième match, mais l'énergie du désespoir, là, parce que tu fais face à l'élimination, là, a penché du côté des Olympiques de Gatineau. Mais d'après moi, là, tout va rentrer dans l'ordre du côté des Tigres ce soir et la série devrait se terminer ce soir en 5 matchs en faveur des hommes de Louis Robitaille. Autre série qui est intéressante, c'est Moncton contre Alexis Lafrenière et le Cynique de Rimouski. C'est 2-2 dans cette série-là. Oui, ça c'est une surprise ouais, hein. Quand on regarde ça parce que bon, ça, c'est tu sais, on se disait tout à l'heure, là, la 15e Chicoutimi contre le 2e Bathurst. Ben là, on fait face au 14e Moncton contre le 3e Rimouski. Mais c'est une surprise dans le sens que on s'attendait pas à ce que Moncton crée l'égalité dans cette série-là. Par contre, il faut se rappeler qu'on a toujours dit que l'Océanique de Rimouski, c'était une formation jeune qui était en avant de son plan. Alors, faudrait pas se surprendre qu'il y ait une surprise dans cette série-là, quoique... les effectifs se transportent ce soir au Colisée financière de Rimouski, donc ça devrait, en tout cas, en principe, là, l'Océanique devrait entrer dans l'ordre, mais c'est sûr que les Wildcats ont donné le ton à cette série-là là, en l'emportant 4-1 à Rimouski dès le premier match, et puis ça a semblé ébranler un petit peu l'Océanique, qui ça lui a tout pris là, pour remporter le deuxième match, là. Ça a pris une période de prolongation, un but d'Alexis Lafrenière pour l'emporter 2-1, et puis ensuite, ils ont gagné 6-2, mais 6-2 de chaque côté. Là. Rimouski l'a emporté 6-2 et Moncton 6-2 dans le quatrième match. Alors ça, oui, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer ce soir. Dans leur cas également, c'est un match pivot. Samuel Dove McFall qui a 6 points dans cette série-là jusqu'à maintenant. Lafrenière, on vous avait dit là, qu'il fallait le surveiller parce que comparativement à Sidney Crosby, là, sa première année en série éliminatoire, Sidney Crosby avait amassé 16 points. Lafrenière en a déjà 5 après 4 matchs. Et du côté des Wildcats de Moncton, ben, c'est Adam Campanelli là, qui a 5 points du côté de la formation des Maritimes. OK. Maintenant, si on y allait avec les Remparts de Québec qui ont joué un match pourri, on va se dire, le premier match. Là, ils ont pris les choses en main, c'est 2-1 contre Charlottetown dans cette série-là. Oui, puis les Remparts, ben, on en avait parlé, hein, il y avait eu une très bonne fin de saison, puis je pense que là, ils ont pris leurs adversaires à la légère, malgré qu'ils n'avaient pas à le faire non plus, parce qu'ils étaient 8e contre le 9e. Alors ça, c'est la série là, qui est le rang est le plus près. Et les Highlanders de Charlottetown, ben, ont continué de surprendre dès le premier match. Et l'ont emporté 6-2 au centre Vidéotron là, devant plus de 10 000 personnes. Mais les Remparts de Philippe Boucher là, se sont remis la main à la porte dès le lendemain et ont remporté une victoire de 3-0, puis un gain de 4-2 à Charlottetown. Donc cette série-là, c'est 2-1 en faveur des Remparts. Les Remparts ont le momentum. Je pense que ça devrait se terminer en 5. Là. Les Remparts devraient l'emporter ce soir et puis revenir au centre Vidéotron dimanche là, pour mettre fin à cette série-là. Ce qu'il faut remarquer du côté des Remparts, c'est Mathieu Grucci, qui, lui, est un joueur qui a été acquis des Highlanders de Charlottetown lors de la dernière période de transaction. Bien, c'est lui qui est le meilleur marqueur des Remparts avec Pascal Laberge. Donc, deux joueurs acquis lors de la dernière période de transaction. Là, ils ont chacun 4 points. Alors que du côté des Highlanders de Charlottetown, c'est Keith Gatson là, qui a 4 points, 4 buts marqués, aucune passe. Et dans cette série-là, l'entraîneur-chef là, des Highlanders s'est pas caché. Là, son gardien de but, Matthew Welsh, doit être meilleur parce que du côté des Remparts, Antoine Samuel là, a connu un bon match, le blanchissage à Québec. À part ça, là, il a été assez ordinaire. OK. Et il y a deux séries de terminées également rapidement. C'était l'ambassade de David Beaubriand contre Val-d'Or. On pensait que ça allait le premier match, les Foreurs ont vendu chèrement leur peau, mais par la suite, ça s'est rentré dans l'ordre. Ben oui, mais je te dirais qu'ils ont vendu leur peau assez chèrement durant les quatre matchs parce que on s'attendait à vraiment un écart, la forte offensive de l'Armada contre une équipe qui est complètement déshabillée, là, les Foreurs de Val-d'Or. Mais ils ont travaillé très fort. Faut donner crédit à Pascal Daou et son personnel d'entraîneur qui a bien préparé son équipe pour les séries parce que 3-2 en prolongation, puis j'ai assisté à ce match-là, puis je peux te dire qu'à l'Armada, là, ils en ont eu plein les mains. Le lendemain, ils ont gagné facilement 5-1, mais une très bonne opposition quand même des Foreurs. Puis les deux matchs là-bas, là, 4-2, 4-1, puis dans le 4-1, là, le dernier match, là, deux buts marqués dans les filets déserts. Donc, ils ont vendu chèrement leur peau pour une équipe qui était complètement... Ils ont plus de joueurs, tout simplement. Mm-hmm. Ils ont complètement vidé, eux, c'était très clair. Alors, ce qui risque d'arriver dans le cas de l'Armada, c'est que si les Saguenayens causent la surprise, ils vont avoir affronté la 16e place en première ronde. Puis la 15e. Si les Saguenayens l'emportent, ben oui. Ils vont affronter la 15e en deuxième ronde. Et je sais pas comment Joël Bouchard va faire pour motiver sa troupe à ce point-là, mais je suis pas inquiète que si c'est le cas, Yannick Jean va certainement lui faire, va lui rappeler avec la performance de son équipe. Il faut surveiller du côté de l'Armada, Danny, c'est le premier marqueur du circuit, Alex Barré-Boulet, qui est absent depuis le deuxième match, a été blessé. Alors, il a seulement joué deux parties. Et là, ça va être c'est un autre point d'interrogation ajouté dans cette formation-là, parce que même s'ils ont remporté les quatre matchs, là, il y a toujours un point d'interrogation devant le filet, là, Émile Sanson. Et le gardien de but, Miral Denisov, là, il y a personne qui est très confiant de ce duo-là. Ils font un travail pour l'instant, mais ça va être à surveiller. Et du côté des Foreurs, ben, comme je te le mentionnais, là, c'est une équipe qui était un petit peu déstabilisée par le manque de joueurs. Alors, c'était la perte, entre autres, de David Henley, le troisième frère Henley, là, qui ont joué toute leur carrière avec les Foreurs de Val-d'Or. Alors, dans son cas, lui... C'était émotionnel parce qu'en plus c'est lui qui a marqué le dernier but des Foreurs cette année. Et la dernière série, Drummondville-Cap-Breton, Joe Veleno, encore et sa gang. Veleno, vas-tu monter d'après toi? Parce que là, je regarde les rapports, il a descendu, mais depuis qu'il est à Drummondville, c'est un joueur transformé sous l'air de Dominique Duchamp. Penses-tu que Veleno, il va monter au prochain repêchage sûrement, hein? Pour quasiment être dans le top. Je dirais dans la première moitié de la première ronde. Il nous reste deux séries d'année. Il reste également la série d'Halifax et Baie-Comeau. Mais pour revenir à celle de Drummondville et Cap-Breton, à ta question, je dirais que c'est difficile un petit peu, de surtout à ce temps-ci, là, de savoir il va-tu monter, va-tu descendre. Il y a des joueurs qui, plus ça va avancer, là, vont être éliminés. D'autres vont continuer. Ouais. Est-ce que ça va jouer un jeu? Il y a toujours aussi le fait que il faut se rappeler que la liste de la centrale de la Ligue nationale, là, c'est des recruteurs qui, eux, n'ont pas de priorité de repêchage. Alors, ils vont par le talent pur et simple, alors que les équipes, lorsqu'ils repêchent, ben, eux, ils vont par leurs besoins. Donc, un peu comme on mentionnait dans le cas du Canadien, le Canadien, s'ils ont le premier choix, c'est sûr que Dallin devient un joueur intéressant, mais s'ils n'ont pas le premier choix... comme joueur de centre, là, c'est pas riche dans les 10 premiers. Là. Donc, ça serait intéressant de voir ce que le Canadien fera. Dans le cas de Veleno, ben oui, c'est un joueur transformé depuis qu'il est à Drummondville, mais la raison est fort simple. Là. Les Sea Dogs étaient vidés l'an dernier également. Là. Ils ont tout donné pour l'an dernier, donc il se retrouvait un peu seul. Dans cette série-là, moi, j'ai une petite anecdote, c'est que à l'issue du deuxième match à Victoriaville, moi, je rentrais à la maison à Longueuil, puis j'avais mis le match des Voltigeurs et du Cap-Breton sur l'Internet dans mon auto parce que Drummondville présentait pas le match en direct, puis je savais que c'était en prolongation, puis lorsque je suis arrivé à hauteur de Drummondville, la quatrième période venait de se terminer, donc je me suis dit, bon, ben, tant qu'à être là, on va bifurquer, puis on va aller assister à la fin du match. Finalement, ben, j'en ai eu mon argent. J'ai assisté à deux autres périodes en prolongation. Les Screaming Eagles qui ont gagné le seul match de cette série-là en troisième période de prolongation, 5-4. Par la suite, là, c'est le talent pur des Voltigeurs qui a dominé le Cap-Breton. C'est une équipe, comme on en parlait la semaine dernière, là, qui est très forte en attaque, mais avant les buts, Olivier Rodrigue fait tout un travail. Puis le général en défensive, Nicolas Baudin, là, fait du bon boulot. Alors, c'est pas vraiment une surprise. Puis le fait qu'ils terminent tôt, eux aussi, ça va leur donner un petit répit, là, parce que les prochaines séries ne devraient pas débuter avant vendredi prochain. Okay, okay. Puis là, leurs adversaires là, pourraient être les Tigres de Victoriaville. OK. Et la dernière, Halifax-Bécomo, je l'avais oublié celle-là. Oui, bien ça, c'est ça, il n'y a pas de surprise là non plus. Les Moussettes sont en avant 3-1 et le tout devrait se terminer ce soir. Par contre... C'est décevant, Bécomo. On s'attendait une meilleure année que ça, bien meilleure année que ça. Oui, exactement. Puis du côté des Moussettes, ben les joueurs qui sont dominants, là, se sont présentés. Philippe Zadina à 7 points, Maxime Fortin à 6. Du côté de Bécomo, ben c'est comme tu le mentionnes, c'est une formation qu'on avait des aspirations plus grandes en septembre, mais ils sont à l'image de tout ce qu'ils ont fait durant la saison, donc un peu décevant. C'est D'Artagnan Joly qui est le meilleur marqueur de l'équipe en série jusqu'à maintenant, mais il n'y a aucun but, il y a 6 mentions d'aide. Alors c'est une saison qui est à oublier pour le Drakkar de Bécomo. Espérons qu'ils pourront en gagner une autre peut-être pour satisfaire leurs partisans, là, mais ça risque d'être très difficile. Tu voulais me parler du Rondel d'Or en terminant? Oui, parce que le gala des Rondelles d'Or va avoir lieu mercredi prochain. Habituellement, la Ligue junior majeure du Québec tient cet événement-là dans le centre-ville de Montréal. Cette année, ça va être déplacé au théâtre de l'Étoile 10-30 à Brossard. Et il y a déjà des trophées qui ont été remis là, parce qu'il y a toujours quelques trophées qui sont remis durant les premiers matchs des séries éliminatoires. Entre autres, le meilleur attaquant défensif, le trophée Guy Carbonneau, qui a été remis à Samuel Dove-McFall de l'Océanique de Rimouski, qui a devancé Maxime Comtois de Victoriaville et Otto Sompi de Saint-John. Le trophée Kevin Lowe, remis au meilleur défenseur défensif, a été remis à Toby Paquette-Bisson de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui a devancé Noah Dobson d'Acadie Batters et Charles-Édouard Astou de Rimouski. Le trophée Michel Bergeron pour la recrue offensive de l'année a été remis à Alexis Lafrenière, sans surprise, de l'Océanique de Rimouski. Il a devancé Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton et Philippe Zadina d'Halifax. Le trophée Raymond Lagacé pour la recrue défensive de l'année a été remis à Colton Ellis, le gardien de but de l'Océanique de Rimouski. Il a défensé Justin Barron d'Halifax et Radim Salda de Saint-John. La meilleure équipe défensive en moyenne de buts alloués, c'est l'Océanique de Rimouski. Le champion de la saison régulière remporta le trophée Jean Rougeau, l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et la meilleure équipe offensive remporta le trophée Luc Robitaille, les Voltigeurs de Drummondville. Maintenant, lors du gala de mercredi prochain, là, il va y avoir plusieurs trophées qui vont être remis. Ce qu'il faut souligner dans votre cas, ben, il y a le trophée Jacques Plante pour la meilleure moyenne de buts alloués qui sera remis à Samuel Harvey de des Huskies de Rouyn-Noranda. Il a dominé la Ligue junior majeure du Québec cette saison. Il y a également, au niveau des entraîneurs, ça va être intéressant, là, Serge Beausoleil de Rimouski, Joël Bouchard de Blainville-Boisbriand et Dominique Ducharme de Drummondville qui vont se livrer deux combats. Celui du trophée Ron Lapointe pour l'entraîneur de l'année, mais également celui du trophée Maurice Filion pour le titre de directeur gérant de l'année. Okay. Il y a un joueur des Saguenayens qui va être en nomination lors de ce gala-là pour le trophée humanitaire et implication communautaire, Vincent Tremblay-Lapalme des Saguenayens, qui fait face à Thomas Grégoire du Phoenix de Sherbrooke et Charles-Édouard Dastou de l'Océanique de Rimouski. Mais pour ma part, moi, même si tu ne gagnes pas ce trophée-là, le fait que tu es en nomination pour un trophée d'implication communautaire, c'est déjà un honneur intéressant. Et puis, pour le trophée le plus important, soit le joueur le plus efficace, 3 joueurs importants en nomination, Vitaly Abramov des Tigres de Victoriaville, Alex Barré-Boulet de l'Armada de Blainville-Boisbriand et le gardien Samuel Harvey des Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, on pourra s'en reparler. Ben oui, faire le tour. C'est sûr que c'est très long, nos chroniques. Par contre, écoute, il y a tellement de séries qu'on fait puis les 5 nains surprennent aussi. Fait que, tu sais, ça ajoute à la longueur de la série. Yves, un gros merci encore une fois. C'est vraiment très, très intéressant. On s'en reparle vendredi prochain. Oui, avec 8 équipes de moins. Ouais, c'est sûr que là, nos chroniques vont s'alléger un peu. Merci, bonne semaine. Voilà, Yves Bauduc, qui nous parlait du hockey.